pas la haine. C'est déjà la merde dans les cités, t'imagines si j'en graine. Je te dirais pas que je vends du shit et clique l'état. Vrai ou pas, ce que je fais regarde de moi. Alors t'es fier hein, quand tu dis que chez toi ça pue. Je te dirais pas, en tout cas je dirais plus que je l'aime la rue. Je te dirais pas toutes les crasses que j'ai pu faire. Sous peine qu'un type me prenne en exemple, devienne mon exemplaire. Je te dirais pas dans mon ghetto, viens pas tester mon EOP. Ce que je te dis c'est MC solo, je préfère des thèmes développés. Même si c'est le poulet que comme toi j'aime dévorer pour se coupler. Et à l'avenir je resterai végétarien. Pour pas t'inciter, on t'a fait du mal. Même si tu vas te venger t'as rien. Mais c'est dur de résister, en clair je te dirais pas. Va lui faire la même, s'il vous plaît tirez pas. Il faut stopper la haine, ne pas se taper on mène. Tous les mêmes pitchs, tiens, un peu de fraternité. Mon pote ça ferait du bien. Je te dirais pas de niquer l'état, de viser le bas, de baiser les gars. Mec dans l'illégal, y'a pas de régal, mais qu'est-ce que tu crois? Ce que je te dis c'est, tiens le coup les dés sont jetés. Il faut attendre son tour et se sent faire preuve de lâcheté. Je te dirais pas de niquer l'état, de viser le bas, de baiser les gars. Mec dans l'illégal, y'a pas de régal, mais qu'est-ce que tu crois? Ce que je te dis c'est, tiens le coup les dés sont jetés. Il faut attendre son tour et se sent faire preuve de lâcheté. Je te dirais pas ma vie est belle, j'ai sourire facile par là. C'est tragédie et peine, un bonheur acide, je t'avoue c'est vrai. Mais je te dirais pas qu'on meurt de faim. Mais je constate qu'ils gâchent la thune et je télévisais tes fins. 10 millions de francs pour une famille déjà blindée. Ça c'est à cause des gens bidons à tenter. Tout pousse dans les bidons. Ville, je dirais pas que leur bidon passe avant le mien, mais certains ont de très grandes maisons. Alors qu'ils sont seuls avec leurs kleps, mais ça c'est l'inégalité. Ma moralité, c'est, je dirais pas des banalités. Ces derniers temps, tous les CD de rap se ressemblent. Quand ça ramène pas sa gueule, ça parle du 11 septembre. T'es inédit, je t'avoue, ça tombe pas du ciel. Mais avec tout ce que tu vois, tu peux te creuser la cervelle. T'as mon idée, j'espère que toi t'as la tienne. Creuse à l'intérieur de toi, il faut que ça sorte de toi-même. Je te dirais pas de niquer l'état, de viser le bas, de baiser les gars. Mec dans l'illégal, y'a pas de régal, mais qu'est-ce que tu crois? Ce que je te dis c'est, tiens le coup les dés sont jetés. Il faut attendre son tour et se sent faire preuve de lâcheté. Je te dirais pas de niquer l'état, de viser le bas, de baiser les gars. Mec dans l'illégal, y'a pas de régal, mais qu'est-ce que tu crois? Ce que je te dis c'est, tiens le coup les dés sont jetés. Il faut attendre son tour et se sent faire preuve de lâcheté. Je te dirais pas, CRS c'est le meilleur MC. Je fais mon truc peu importe si t'apprécies. Mon objectif c'est faire songer les mentales. Ouvrir les yeux des gars à mon table. Tout le monde est égal à ma table. Chaque phrase est en premier destiné à moi. Je suis pas parfait, mon fils, ma bonté collée comme des scies à moi. Je te dirais pas des scies, moi en tôle ça sert pas. Mais ce que je peux t'affirmer c'est que dans l'illicite on s'en sort pas. Je te dirais pas, nique la police, le juge, la France, l'autre s'en charge. Moi je place plus d'importance à toutes ces petites choses qui enferment une grande. Je peux rien prétendre sur ces mesures, je rédige ma propagande. Je te dirais pas, 7-6 représente la délinquance. Mec c'est chaud, même les petits dits les cassent. Tu vois leur tête à 16 piges dans les caisses. Ça fait son argent de poche au supermarché, on vit dans les caisses. Non je te dirais pas ça. Je te dirais pas de niquer l'état, de viser le bas, de baiser les gars. Mec dans l'illégal, y'a pas de régal, mais qu'est-ce que tu crois? Ce que je te dis c'est, tiens le coup les dés sont jetés. Il faut attendre son tour et se sent faire preuve de lâcheté. Je te dirais pas de niquer l'état, de viser le bas, de baiser les gars. Mec dans l'illégal, y'a pas de régal, mais qu'est-ce que tu crois? Ce que je te dis c'est, tiens le coup les dés sont jetés. Il faut attendre son tour et se sent faire preuve de lâcheté.